Un anime japonais créé par Osamu Tezuka. Un bon manga qui passait sur la 5 le matin après ton chocolat. Cereal and Milk, y avait un mandrille et un perroquet que Disney s'est empressé de copier. Au studio de Mickey, on n'avait pas d'idée. Au lieu de trouver, nous on préfère plagier. C'est l'histoire du copie d'Osamu Tezuka. L'histoire d'un lion qui avait pour nom Kimba. Une immonde copie du plus grand mangaka. C'est l'histoire d'une copie. D'une copie d'un lion blanc à qui tout le monde a menti pour se faire beaucoup de money. Une immonde copie du plus grand mangaka. L'histoire d'une copie